de Perrache. Qui habite au Caire. Quoi ? J'ai tombé sur mon neveu qui habite au Caire. C'est les rencontres de la guerre des Perrache. C'est bon.